Aujourd'hui est le 12 juillet 2024, était la dernière soirée des Dhammatok. Donc, qu'est-ce qu'est pratiquer Vipassana? La pratique Vipassana est faire des efforts pour développer en soi Saddha, la foi, Sati, l'attention, Virya, l'effort, Samadhi, la concentration et Panya, la sagesse. Ces cinq sont des pouvoirs. On a la foi en nous, Sada, Virya, l'effort, et avec cet effort, il y aura l'attention, Sati. Et quand l'attention se développe, la concentration, Samadhi, se développe aussi. Et puis, il y aura la sagesse, Panya, qui se développe. Ceci sont vus comme cinq pouvoirs. On cherche à faire en soi que notre foi soit constante. On cherche à rendre constant notre effort, ainsi que à avoir une sati constante, une concentration constante et une sagesse constante. Il développe l'habilité de devenir des facultés de contrôle et de devenir très puissant et de dominer. Si ces cinq ne sont pas encore à un niveau où ils sont assez puissants pour dominer, alors on doit essayer et travailler pour les rendre assez forts. Ça est la méditation. Ça est bhavana ou le développement mental. Si on cherche à observer chaque objet qui apparaît de façon ferme et inébranlable, en commençant avec le soulèvement et abaissement, puis, en observant le soulèvement et abaissement et les autres objets sans interruption, en faisant un effort constant, alors ça portera au développement de sati, l'attention. Sati rend notre observation inébranlable. Donc, quand notre sati est présente et ferme pendant la marche, l'assise et les activités quotidiennes qu'on fait, qu'il soit s'étirer, s'habiller, manger ou boire, quand Sati devient assez forte pour devenir une faculté dominante, alors notre connaissance Vipassana devient ferme. Avec le contrôle des Sati, la connaissance Vipassana devient ferme. Quand Sati est forte, si bien qu'elle est capable d'observer tous les objets qui apparaissent, alors la foi devient de plus en plus forte et ferme. Quand la foi de quelqu'un est ferme, soit en pratiquant la méditation ou en faisant d'autres types de bonnes actions, il devient très actif et enthousiaste par rapport à ses pratiques et il tranche sur la question. Quand notre foi est forte, on fait plus d'efforts. Quand notre foi augmente, notre effort augmente. Quand Virya augmente, on fait des progrès. Chaque fois qu'on pratique, chaque fois qu'on observe, on a cet effort. Donc, en raison de la force de cet effort ou Virya, notre connaissance progresse. Donc, on obtient une sagesse progressive comme résultat de la pratique. Et ça vient de la force de Virya. L'effort. Des cinq facultés, quand la faculté de la sagesse obtient le support de Sati, Samadhi, Virya et de la foi Sada, alors la sagesse devient aiguisée, ferme, claire et courageuse et arrive au niveau le plus haut possible. Si le yogi arrive à ce point, alors la connaissance est très claire. La fondation de tout ça, la première chose, est la foi. Et quand la foi Sada est forte, alors elle n'est pas un fardeau pour la pratique de Vipassana. Par conséquent, la personne qui pratique Vipassana développe la foi. Et la foi nous porte à développer la pratique de Vipassana. Donc, avec la foi, il y a de l'effort dans la pratique. Et les résultats de l'effort, et la concentration. Et à cause de la concentration, la connaissance panya ou sagesse se développe et atteint son maximum. Si on pratique vipassana, donc on doit avoir la fondation en premier lieu dans la pratique des silas, la moralité. Quand on maintient sila, ça complète l'entraînement de la moralité. Puis, on doit établir la concentration, l'entraînement des samadhis. Et pour faire ça, on observe chaque objet qui apparaît en nous. On focalise notre esprit sur le corps. On cible l'objet et on met de l'effort pour observer chaque objet qui apparaît. Ça établit la concentration. Avec une telle observation, l'esprit devient pur. Et quand l'esprit pur devient énergique, alors la connaissance se développe étape par étape, en commençant par la distinction entre esprit et corps, nama et rupa. Quand on continue à observer, en ayant distingué esprit et corps, on arrive à voir comment ils sont liés en tant que cause et effet. Et on arrive à voir plus loin, comme l'esprit et le corps qui sont liés comme cause et effet apparaissent et puis disparaissent. Et à cause de ça, ils ne sont pas satisfaisants. Et il n'y a pas du tout un soin intrinsèque impliqué. De cette façon, le chemin de vipassana devient ouvert. Pratiquer comme ça est appelé vipassana. Le pratiquant vipassana développe la foi. Il obtient la connaissance personnelle du vrai Dhamma en conséquence de la pratique. Donc, il n'y a pas de raison pour personne de l'encourager à croire, car avec sa propre compréhension, il arrive à accepter. La connaissance se développe étape par étape, et en correspondance avec le développement de la connaissance, la foi, qui est décisive, accueillante et reconnaissante, apparaît et augmente. Donc, cette foi est digne de confiance. Et ça est le type de foi décisive issue de la pratique, une foi qu'on aura comme bonne amie pour le reste de notre vie. Concernant des choses que nous n'avons pas vues directement, si on ne les voit pas avec notre connaissance directe, notre foi ne pourra pas être ferme. Quand on pratique et on développe la connaissance, notre foi devient ferme. Une foi ferme rend notre chemin dans la vie très étroit et on continue à avancer sur ce chemin. À propos du Dhamma, on pratique le Dhamma en nous. Le Dhamma est quelque chose que nous élève. Il soutient le pratiquant pour ne pas le faire reculer, pour ne pas le faire chuter. Il a aussi la qualité de protéger les pratiquants des perturbations venant de partout. Ce Dhamma n'est pas quelque chose qu'on trouve ou on obtient des livres, n'est pas quelque chose donné ou dit par l'enseignant, mais il vient de la pratique qu'on est en train de faire ici. À cause de la pratique systémique des enseignements, on obtient la connaissance. Il y a la connaissance et il y a la pratique. Il y a la théorie et la pratique qu'on obtient en nous, comme on est en train de faire ici. S'il n'y a pas de connaissances, la personne ne peut pas sauver soi-même. Il ne peut pas s'élever. Il doit avoir la connaissance. Mais s'il a la connaissance, mais pas la pratique, la personne n'aura pas une vie de haute qualité. Si on veut élever notre vie, en particulier si on ne veut pas reculer ou chuter, alors, on doit chercher une façon d'élever notre vie. Quand on trouve cette façon de faire, on doit la pratiquer afin d'avoir le résultat qui élève notre vie. Si on pratique le Dhamma élèvera toujours les pratiquants. Il le protégera et l'empêchera de tomber dans des niveaux d'existence inférieurs. Il lui permettra aussi de ne pas passer beaucoup de temps dans ces plans d'existence comme on est maintenant. Donc, la personne qui pratique en accord avec le Dhamma peut expérimenter tout ça. Donc, s'il n'y a pas de pratique du vrai Dhamma, alors il n'y aura pas de connaissance de ses vertus, et donc il n'y aura pas de foi. Sans foi dans le Dhamma, il n'y aura pas de foi dans la personne qui l'a enseigné, le Bouddha. Donc il n'y aura pas de foi dans le Sangha, le groupe des gens qui ont pratiqué et obtenu la pureté. Il n'y aura pas ce type de foi. Si une personne n'a pas de foi dans le vrai Dhamma, quand il entend quelqu'un, peut-être quelqu'un dans la communauté qui est un bon orateur, la personne sera entraînée par cet orateur, il sera persuadé à croire dans ce que cette personne est en train de dire. Et de cette façon, la personne croit sans savoir. Si on est dans les croyances sans connaissance, alors sera très difficile pour la méthode correcte d'élever ce type de personne. Donc, sans foi dans le vrai Dhamma, on risque de croire à des choses qui sont inutiles, donc c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de valeur. Pour les êtres humains, les choses de valeur sont la moralité, de recueillir nos actions et nos paroles. Ça, c'est quelque chose de valeur. L'entraînement de la moralité est le premier type de bien que les êtres humains peuvent avoir. Les êtres humains doivent aussi avoir l'attitude de metta et karuna, les bonnes intentions et la compassion. Avec notre base en metta et karuna, vu qu'on veut ce qui est bien pour les autres et qui ne souffrent pas, on sera heureux quand on voit les autres en bon état. On expérimentera mudita, la joie altruiste. Et on comprendra en nous que les gens expérimentent des bonnes ou des mauvaises choses en accord avec leur karma. Donc on développera l'équanimité ou pekka. Et ces attitudes portent l'esprit d'une personne à être comme l'esprit d'un être humain devrait être. Quand on pratique Satipatthana Bhavana, comme les yogis sont en train de faire, si les notes deviennent bonnes, alors l'esprit pur apparaîtra un instant après l'autre comme une courante. Et dans cette courante pure de conscience, il y a des moments de connaissance qui commencent à se développer, en commençant par la distinction entre l'esprit et la matière. Si la connaissance vipassana devient complète, alors le yogi ira, dès l'expérience de la grande courante de l'esprit et de la matière, à expérimenter la cessation de cette grande courante d'esprit et de matière. Si une personne expérimente la cessation des nama et rupa, l'esprit et la matière, alors apparaîtra un bonheur sans expérience sensuelle. Un bonheur pacifique sans expérience sensuelle. Ça rend quelqu'un une personne qui est un être humain exceptionnel, quelqu'un avec la connaissance humaine qui est devenue très exceptionnelle. Et cette paix est la paix véritable. Si une personne pratique afin que les entraînements des sila, samadhi et panya, la moralité, la concentration et la sagesse existent en lui, alors cette personne deviendra un vrai être humain, quelqu'un qui peut garder son esprit humain et qui a la connaissance humaine et devient un être humain exceptionnel. Si une personne arrive à ce niveau, il ne va pas croire en des choses sans valeur, il n'aura pas de fausses croyances. Si la connaissance à travers la pratique n'est pas encore atteinte, même si une personne ne croit pas en quelque chose d'inutile pendant cette vie, ça peut se passer quand même dans des vies futures. Dans ce cas, il n'y aura pas de soulagement du samsara. Si on vient ici à pratiquer, on doit comprendre qu'on doit essayer de se libérer d'une vie où on croit dans des choses sans valeur. Ce chemin du sage est ouvert et on doit essayer de le parcourir. On a la responsabilité à que ce chemin du sage ne se ferme pas. On doit continuer à parcourir ce chemin pour le garder ouvert. Ça nous amènera dans un lieu paisible. Dans des moments comme aujourd'hui, vous devriez travailler pour pratiquer afin de développer les cinq pouvoirs de contrôle en vous, de façon à être capable de gouverner votre propre monde. Vous pouvez rendre votre monde plus paisible de cette façon. On doit être capable de contrôler notre monde individuel afin de pouvoir être en contrôle dans le monde. Donc, on doit maîtriser notre monde pour le rendre paisible. Si vous savez que votre pratique n'est pas encore complète, si vous savez que vous n'avez pas encore développé les facultés de contrôle jusqu'au but, comme cette retraite arrive à sa fin, pratiquez à la maison. Et si vous pratiquez à la maison, alors vous êtes sûr de développer les facultés. Donc, puissiez-vous être capable de pratiquer pour développer les facultés de contrôle afin de rendre votre propre monde paisible. Sadhu, sadhu, sadhu.